professionnels, commandez maintenant sur bernard.fr. Expert en hygiène, entretien et sécurité en entreprise, Bernard contribue à rendre vos espaces de travail plus propres, plus sûrs et plus respectueux de l'environnement pour le bien-être de chacun. Ayez le réflexe bernard.fr. Simple et pratique, Bernard, c'est 20 000 produits d'hygiène, d'entretien et de sécurité livrés rapidement dans vos locaux. Bernard.fr, tout pour faire briller vos espaces de travail. La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, penser, est-ce l'affaire exclusive de nos cerveaux ? Selon les fondateurs de la cybernétique, le terme « intelligence artificielle » désigne un comportement produit par une machine dont on peut estimer s'il avait été le fruit d'une action humaine qu'il aurait exigé de l'intelligence de la part de la personne à l'origine de cette action. Cette définition s'appuie donc d'emblée sur la comparaison entre la machine et l'homme. Elle suggère en outre implicitement que l'intelligence humaine pourrait être concurrencée, voire dépassée par des machines. Ce qui explique sans doute pourquoi les avis à propos de l'intelligence artificielle sont si opposés. Certains voient en elle la plus grande des menaces pour l'humanité, tandis que d'autres clament leur impatience de la voir se déployer massivement. Reste que le fait de réussir à mimer l'intelligence ne suffit pas à prouver qu'on est intelligent. Dès lors, devons-nous considérer ou pas que les cerveaux humains possèdent le monopole de ce qu'ils appellent la pensée ? Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir de recevoir Raphaël Antoven. Bonjour. Bonjour Étienne. Vous publiez un livre qui s'intitule « L'esprit artificiel » aux éditions de l'Observatoire. Ma première question concerne les anagrammes dont vous êtes friand, je crois. Comme vous. Est-ce que vous avez cherché l'anagramme du titre ? Je l'ai cherché, je ne l'ai pas encore trouvé. Alors okay. Moi j'ai trouvé « Faciliter le spirit ». Oh, c'est bien. Oh, comme c'est bien. Formidable. Spirit avec un E à la fin ? Non, sans E. Ah, ça change un peu la donne. Et ma deuxième question porte sur une mesure qui a été faite, qui a été publiée dans un rapport anglais, ouais. Et qui est citée par Raphaël Gaillard, que je recevrai bientôt pour son livre « L'homme augmenté ». Augmenté. Et cette question est celle-ci. À quelle distance, à votre avis, quelle est la distance que parcourt en moyenne chaque année votre pouce sur un écran, que ce soit celui d'un téléphone ou d'une tablette? C'est considérable, mais alors surtout, ce qui est terrifiant, c'est de penser que cette distance augmente de quelques dizaines de mètres chaque jour, d'une certaine manière. La moyenne européenne, c'est 100 kilomètres. 100 kilomètres. C'est la distance d'un ultra-trail, mais ça ne mérite pas cette appellation parce que c'est plat, les écrans sont plats, il n'y a pas de dénivelé. Mais est-ce que vous êtes, à votre avis, en dessous ou au-dessus de la moyenne ? Je crois que je flirte dangereusement avec elle en ce moment, puisque j'ai quand même tendance à me servir de mon téléphone comme d'un carnet de notes. Donc, quand j'ai pas de stylo sous la main, c'est quand même bien pratique. Alors, venons-en, Raphaël Antoven, à votre livre « L'esprit artificiel ». Quand on le lit, on a l'impression que vous considérez que notre dignité d'êtres humains est agressée par les machines. Et on a l'impression que vous avez envie de voler à son secours, de la défendre. Non, c'était pas le cas. Je voulais pas voler au secours de la dignité de l'être humain. Je n'ai pas le sentiment qu'elle en ait besoin. Je voulais juste rappeler une limite, pointer une limite à l'IA. L'IA est infinie, mais elle est bornée. Et elle est bornée par ce que j'appelle l'esprit, c'est-à-dire le je ne sais quoi qui fait l'humanité, on va en reparler, et que la machine est inapte à synthétiser. Et donc, l'enjeu n'était pas de défendre l'humanité comme un bastion contre l'invasion des machines, mais de rappeler que quelle que soit l'invasion des machines, quelle que soit la place que les machines occupent dans nos vies, elles n'occuperont jamais, comment dire, la place qu'elles occupent ne suffira jamais à les substituer à nous. Elles ne pourront jamais se substituer à nous. Il y a en nous quelque chose que la machine ne peut pas synthétiser. Alors, l'équation n'est pas réversible. Nous pouvons très bien devenir des machines. Nous pouvons très bien devenir des robots ou bien des automates. Mais que la machine devienne humaine, ça, non. Est-ce que vous êtes plongé pour écrire ce livre dans l'aspect, disons, technique des choses ? S'agissant par exemple de ChatGPT, est-ce que vous avez regardé ce que les ingénieurs appellent le deep learning, ou bien l'apprentissage auto-supervisé, ou bien les réseaux de neurones, ou bien ce qu'ils appellent les transformeurs, qui se sont révélés avoir des pouvoirs surprenants ? J'ai travaillé sur toutes ces affaires-là. Je les ai regardées de près, avec l'œil du néophyte bienveillant et studieux. J'ai travaillé là-dessus. En particulier le livre de Yann Lequin, d'ailleurs, qui est vraiment très très bien fait, qui est à la fois très pédagogique et qui en même temps contient des informations pour les experts, qui est le livre qui s'appelle « Quand la machine apprend ». Mais je dois dire que la première source d'inspiration du livre, c'est Henri Bergson, qui n'avait pas l'idée de l'intelligence artificielle et qui pourtant permettait de penser les limites de toute machine et de toute appréhension de l'humanité par la machine. Donc c'est plutôt de lui que je me suis inspiré que des textes sur ChatGPT. Alors pour ceux que ça intéresse, je me permets de citer un livre qui vient de paraître, qui a été rédigé par Guillaume Wisniewski, il me pardonnera si je prononce mal son nom, qui s'intitule « Faire parler les ordinateurs ». Ce livre vient de paraître chez Dunod et il explique en effet tous les thèmes que j'ai cités rapidement tout à l'heure, c'est-à-dire comment d'un point de vue technique, une machine qui ne comprend rien à ce qu'elle dit arrive à produire des phrases qui, pour nous, ont du sens. Ont un sens. Alors, vous êtes quand même d'accord pour dire que la frontière entre l'homme et la machine se brouille, que nous interagissons de plus en plus avec des prouesses techniques, alors même que le sens de la technique se voile. J'aime pas citer Heidegger, mais c'est quand même lui qui a dit cette phrase. C'est vrai, quand il parle d'arraisonnement. Je ne crois pas que les frontières se brouillent. Elles se brouillent dans le monde de ce que Raphaël Gaillard appelle l'homme augmenté. C'est-à-dire, elles se brouillent dans le monde de l'appareillage technique de l'humain. Si vous perdez un bras, la prothèse qu'on pourra mettre à votre place aura une main qui peut-être pourra faire un tour de 360 degrés sur elle. Autrement dit, vous serez augmenté tout en étant réparé. Et l'univers fantasmatique auquel est associé de telles prouesses, de tels appareillages, c'est le monde du cyborg. Le monde du cyborg n'est pas du tout une utopie, n'est pas du tout un monde utopique. L'idée que l'individu s'augmente lui-même par les outils qu'il produit n'a rien d'utopique, n'a rien de dystopique. Moi, je travaille sur une véritable dystopie qui n'a aucune chance d'advenir un jour, qui est la dystopie qui remonte à Pygmalion et qui va jusqu'à l'intelligence artificielle en passant par Terminator, Frankenstein, Pinocchio, Matrix, Star Wars, ce que vous voulez. C'est une dystopie qui met en scène l'acquisition de la conscience par la machine, ou par la statue, ou par le pantin. L'acquisition de la conscience. C'est la dystopie qui part du principe que nos créations vont devenir des créatures. Et nous en sommes aussi loin qu'à l'époque de Pygmalion. Mais nous continuons de faire comme si une telle chose était imminente. Et c'est ça qui m'intéresse. Pourquoi continue-t-on de croire que nous sommes au bord de créer ce qui se trouve à l'autre bout de l'univers ? Alors quand même, vous insistez sur le fait qu'il y a une singularité humaine, vous venez d'en parler, mais comment pouvez-vous être sûr à l'avance, oui, que nous parviendrons toujours à résister à ce à quoi nous ajoutons? On n'y résiste pas. Il ne s'agit pas d'y résister. Il n'y a pas besoin d'y résister. Il n'est pas nécessaire d'y résister. Prenons par exemple l'exemple de la mémoire. La mémoire humaine est une capacité avant d'être un stock. Notre mémoire, la particularité de notre mémoire, c'est d'être ce qu'on appelle une conservation sans conservatoire. C'est pour ça qu'un élève, par exemple, la veille d'une interro, a le sentiment d'avoir tout oublié. Il a tout oublié parce qu'il voudrait faire la sommation intégrale du savoir dont il dispose, ce qu'il ne peut pas faire parce qu'il n'est pas une machine. En revanche, le savoir adéquat revient, s'il a bien appris sa leçon, le jour de l'interro écrite, et sans effort, en se présentant à lui de façon opportune. De la même manière, ma mémoire, je la convoque tout entière pour formuler les phrases que je formule à l'instant où je vous parle et trouver les mots dont j'ai besoin. Autrement dit, la mémoire humaine est une affaire de capacité, pas une affaire de stock. C'est pas une affaire de classement, c'est pas une affaire de redistribution. La mémoire de la machine n'acquerra jamais, n'est pas sur le point d'acquérir la célérité ou la singularité de la mémoire humaine en augmentant. Ce qui sépare la mémoire humaine de la mémoire de la machine, c'est sa singularité, ce n'est pas sa capacité. Autrement dit, croire que c'est par l'augmentation des potentialités ou des capacités que l'on s'approche de l'humanité, c'est chercher au mauvais endroit et se bercer d'illusions. Là-dessus, je crois que nous sommes d'accord et que tout le monde est d'accord, mais qu'est-ce que vous appelez le syndrome de Teut ? Teut écrit avec deux H. Oui, le syndrome de Teut, c'est dans le dialogue de Platon, le Phèdre. À la fin du dialogue, il y a Socrate raconte l'histoire de l'entrevue entre le pharaon Thamous et Teut, le scribe. Et Teut lui dit, pharaon, j'ai trouvé quelque chose, un moyen formidable de sauver la mémoire. Ah bon, qu'est-ce que c'est ? Eh bien voilà, ça s'appelle l'écriture. Et il lui explique comment ça marche, comment ça fonctionne. Et pharaon, qui est loin d'être bête, lui dit, mais tu ne viens pas de sauver la mémoire, c'est l'oubli que tu viens de sauver. Car ce dont nous ferions effort pour nous souvenir, ce dont on voudrait se rappeler, désormais, on le délègue à une tablette qui pourra s'en souvenir à notre place. Et ce faisant, la prédiction de Pharaon, alors Platon s'en sert pour dire que les textes écrits répondent toujours la même chose aux différentes questions qui leur sont posées, alors que une conversation, comme celle que Socrate est capable de mener, est une conversation qui à la fois ne sait pas le chemin qu'elle prend, mais qui en même temps répond aux questions de façon singulière. Et donc, c'est une défense de la parole vivante contre la lettre morte, le mythe de Teut. Et on retrouve ça avec, par exemple, nos bibliothèques de photos qui nous dispensent de nous souvenir de nos vacances. On retrouve ça avec le journal intime que l'on tient, non pas pour raconter aux autres notre petite vie, mais pour nous-mêmes ne pas avoir à nous souvenir des choses qui nous pèsent et dont on se débarrasse de cette manière-là. C'est le syndrome de Teut. C'est l'idée qu'on délègue à l'écriture bien des fonctions. Et au-delà de ça, c'est l'idée qu'un progrès favorise une paresse. L'atrophie du muscle mémoriel sous l'effet des bibliothèques de photos témoigne de la prédiction de Platon. Justement, vous avez utilisé ChatGPT, je crois. Vous avez été même mis en concurrence avec ChatGPT à propos de... Oui, mais il n'y avait pas de match. Peut-être qu'on y reviendra, vous en parlez dans le livre. Vous connaissez le concept de honte prométhéenne qui a été élaboré par Günther Anders et qu'il définit comme étant cette honte qui s'empare de l'homme devant l'humiliante qualité des choses qu'il a lui-même fabriquées. Mmh. Or, quand on utilise ChatGPT, je parle de la version actuelle qui a beaucoup progressé par rapport à celle qui était disponible il y a quelques mois, vous l'interrogez sur un sujet scientifique ou autre, et il a quand même la capacité de répondre quelque chose d'apparemment argumenté à une vitesse infernale. Est-ce que ce constat vous fait éprouver de la honte ou est-ce que vous rejetez ça avec l'idée que ça n'est pas de l'intelligence humaine et donc c'est une prouesse qu'on ne doit pas admirer en tant que telle? D'abord, il y a deux choses, si vous voulez. D'abord, il y a la question de l'humanité et de la machine. Sommes-nous dépassés par la machine? C'est une vieille question, c'est un vieux marronnier de la presse. C'est une vieille question. En fait, c'est une question qu'on se pose depuis toujours, forcément, puisque quand on a inventé le marteau, c'est parce que le marteau était plus solide que le poing. Quand on a inventé la charrue, c'est parce qu'elle pouvait porter plus de choses que le dos. Je veux dire, la machine a toujours été plus forte que l'homme. Donc, penser que l'homme est menacé par la machine, c'est absurde. Quand Kasparov perd aux échecs contre Deep Blue, il perd contre une usine. Il perd pas contre un individu. Donc, qu'une usine l'emporte sur le champion du monde d'échecs, ça ne porte pas préjudice. Et puis surtout, c'est pas la même puissance. Le cerveau d'un joueur d'échecs, c'est 30 watts, comme pour tous les humains, alors que la machine a besoin d'une puissance bien plus grande. Absolument. Alors. Et elle ne sait faire que ça. Elle ne sait que jouer aux échecs. Ça, c'est encore une autre question. Mais alors, il y a la question de cette honte prométhéenne. Je trouve qu'il y a plus d'orgueil que de honte dans l'entreprise prométhéenne de produire de l'IA ou de croire qu'avec l'IA, on va donner le jour à des machines autonomes ou à des machines conscientes. Parce que c'est Moshe Idel qui explique ça dans la monographie qu'il consacre à l'histoire du golem, où il dit que la fabrication du golem, monstre d'argile, créé de toutes pièces et destiné à protéger la communauté. La fabrication du golem à Prague au XVIe siècle était une façon d'éprouver le geste divin par l'imitation qu'on en faisait. C'est une façon de se prendre pour Dieu, de croire qu'on va donner le jour à des automates. Et donc, dans cette honte prométhéenne, je vois davantage d'orgueil que d'humilité. Disons que c'est une façon humble, dire « Ah, nos machines nous échappent et vont nous posséder », de dire qu'on est, nous, avec nos petits outils, capables de faire comme l'artisan divin. En fait, on se prend pour Dieu, et on fait ça, et on présente ça comme un exercice de modestie. Donc, je ne vois pas, non, de honte prométhéenne. Après, Günther Anders le disait probablement à propos de la bombe atomique. Et c'est une autre problématique, c'est une autre question. Et pour le coup, le paradigme est tout à fait différent. Parce que la bombe atomique, c'est effectivement le déchaînement d'une force dont tout porte à penser que nous ne la maîtrisons plus, ou que nous ne pouvons pas la maîtriser. Donc qu'il y ait là une onde prométhéenne, c'est possible. Qu'on soit affolé devant ce qu'on a produit, c'est possible. Mais dans le cas de l'IA, les choses sont tout à fait différentes. Le rêve que l'IA devienne autonome ne relève pas de la honte en ce qui nous concerne, mais davantage de la vantardise. En tout cas, il y a deux questions, Raphaël Antoven. Il y a une première question, c'est qu'est-ce que l'IA fait et qu'est-ce qu'elle pourra faire? Et puis il y a une deuxième question qui est qu'est-ce qu'elle nous fait dans nos façons de travailler, de penser, d'interagir, d'enseigner, d'apprendre, etc. Alors vous dites une phrase qui, dans le livre, qui m'a surpris, enfin en tout cas qui m'a fait réagir. Vous dites en philosophie, l'IA ne sert à rien. Et pourtant, l'IA, elle change notre façon de penser, d'une certaine façon. Ah, j'ai pas vu ça. J'ai pas vu que l'IA changeait notre façon de penser. Parce que quand vous avez besoin d'une information, par exemple, ou que vous vous posez une question, plutôt que de vivre avec elle, de cohabiter avec elle pendant longtemps, en vous interrogeant... Oui, c'est le syndrome de Teut. Immédiatement, vous allez chercher la réponse, soit sur Google, soit sur ChatGPT, ou d'autres agents conversationnels, et vous avez la réponse immédiatement. Et du coup, la façon de réfléchir aux questions est modifiée. Si l'on se satisfait de la réponse qu'on reçoit. Et ce qui reste, c'est tentant. C'est tentant, mais on n'est pas obligé de céder à la tentation. Ce qui reste, le choix de chacun. Il y a deux questions. Il y a ce que l'IA fait et ce que l'IA pourra faire, et il y a ce que l'IA nous fait. Ce que l'IA fait est extraordinaire. Mais il y a une limite à cela, et c'est toute discipline qui, parce qu'elles sont indexées sur l'humanité, comme l'art, ou la philosophie, ou la littérature, ne font pas de progrès. Toutes ces disciplines-là sont préservées des bénéfices comme des méfaits de l'IA. Alors, on pourra évidemment imiter un Léonard de Vinci, aisément. Mais ça prouve quoi? Que l'IA est un merveilleux faussaire. Bien, mais un faussaire lui-même sait bien qu'il n'est pas le Léonard de Vinci, dont pourtant il reproduit le tableau à l'identique. Qu'est-ce qui le distingue? C'est qu'un créateur, comme dit Jankélévitch, ne fait jamais ce que des imitateurs feraient à sa place. Autrement dit... Ça c'est pour l'art, mais c'est pas le domaine sur lequel je me penche dans le livre, c'est la philo. En matière de philosophie, l'IA, techniquement, ne sert absolument à rien. La raison pour laquelle on en fait, c'est la peur de mourir, ou le constat d'une présence qui ne trouve pas son sens. Et les effets de la pratique de la philosophie, c'est le doute, c'est en aucun cas l'acquisition d'une réponse ou d'une solution. Donc il n'y a vraiment, de ce point de vue, enfin il y a hétérogénéité totale des genres. Et puis, j'ajoute à cela le fait que la philosophie, comme l'art d'ailleurs, comme la littérature, ne progresse pas. On n'a pas fait de progrès en littérature depuis Shakespeare. On n'a pas fait de progrès en philo depuis Platon. On n'a pas fait de progrès en art depuis Léonard de Vinci. Non, on n'a peut-être pas fait mieux que Shakespeare, mais on a fait autrement que Shakespeare. On a fait autrement, je dis et pas ça a fait progresser la littérature. Ah, progresser, non. Avancer, ça l'a fait s'étendre. Mais si progresser à ce compte-là, San Antonio serait un meilleur écrivain que Shakespeare. Ça n'a pas de sens. L'idée d'un progrès en art, ou Debussy, pour prendre des exemples moins extrêmes, Debussy serait meilleur compositeur que Mozart. Ça ne veut rien dire. Bon, admettons, mais alors pour la philosophie, vous dites que la philosophie ne fait pas de progrès. C'est une autre phrase qui m'a un petit peu... Oui. Parce que je pense qu'il y a quand même, grâce à la science, ce que Merleau-Ponty appelait des découvertes philosophiques négatives. C'est-à-dire des découvertes qui viennent changer la façon, enfin disons qui viennent éclairer, voire contraindre l'ensemble des réponses philosophiques qu'on peut apporter à une question philosophique. Je vous réponds autrement sur ce... dire, on ne peut pas parler du temps aujourd'hui aussi simplement qu'Aristote ou Saint-Augustin. S'ils ont posé les bonnes questions. Ils avaient déjà posé les bonnes questions. Quand Saint-Augustin dit « ce que je sais, je ne le suis plus. Ce que je suis, je ne le sais pas », il formule exactement ce que Bergson reprendra sur le thème de la durée. 1500 ans plus tard, avec un talent fou. Sur cette question de la philosophie, la science progresse. Nous avons progressé en astronomie, par exemple, incontestablement. Du temps d'Aristote, on pensait que la Terre était au centre de l'univers et que la Lune traçait une orbite au-delà de laquelle se trouvaient des êtres sans matière qui, dépourvus de matière, avaient une trajectoire impeccable. Alors que en deçà de l'orbite lunaire se trouvaient des êtres souillés par la matière et que leur appartenance au monde de la matière rendait imprévisible le monde des futurs contingents. Bien, ça c'est le monde d'Aristote. On peut dire qu'on a fait des progrès en astronomie depuis. C'est-à-dire qu'on a montré que c'était faux. On a montré que c'était faux. Mais l'anthropologie qui se déduit de cette antique astronomie, c'est quoi ? C'est que les affaires humaines ne relèvent pas de la raison pure, qu'on ne peut pas raisonner en termes de bien et de mal en ce monde, et qu'il faut en ce monde naviguer à vue et se donner les boussoles qu'on peut. C'est ce qu'Aristote appelle la prudence. Et ça, c'est d'une pertinence comparable aux conseils qu'on pourrait donner aujourd'hui. Autrement dit, l'anthropologie d'Aristote, qui s'appuie sur une représentation du monde dont la science a montré qu'elle était erronée, demeure aujourd'hui tout aussi pertinente pour comprendre les comportements humains. Et c'est ça la philo. La philo, c'est que sur un décor qui change, comme dit Bergson, la poussière change, c'est le tourbillon demeure, c'est la poussière qui évolue. La poussière, c'est le décor, c'est les informations dont on dispose, c'est la technique, c'est les moyens, mais au fond, les questions restent les mêmes. Alors quand même, la physique d'Aristote, elle a vieilli, on vient de le dire. Oui, elle a vieilli. La physique d'Aristote et a vieilli. Et vous dites... Mais son anthropologie, non. Vous dites, un philosophe d'aujourd'hui a beau faire, il n'est pas beaucoup plus avancé qu'Aristote. Non. Et pourtant, la critique d'Aristote, celle que vous rappelez d'ailleurs, et d'autres, font progresser la philosophie. Mais je ne dis pas qu'Aristote n'est pas perfectible, qu'Aristote soit le bout de la pensée. Je veux juste dire que tout est à reprendre. Tout est à reprendre en partant même des intentions et des ambitions qui étaient celles d'Aristote, qui était la possibilité pour le langage de réussir à dire quelque chose du monde. Et que cette intention, cette ambition, elle est la même et elle est toute neuve chez le philosophe qui débarque aujourd'hui, nanti, de physique quantique. Et qui arrive après Niels Bohr. Tout est à reprendre. Et les questions en philosophie restent les mêmes. Je peux, avec un texte de Platon, dans le livre, je me sers d'un dialogue de Platon, le Ménon. C'est un dialogue qui a 2500 ans. Je ne m'en sers pas par tropisme antiquisant. C'est pas du tout l'idée. Je m'en sers parce que j'ai pas trouvé mieux pour dire ce que j'ai à dire. C'est-à-dire, en l'occurrence, l'idéal d'une pédagogie réussie. Y a pas mieux. J'y peux rien. Y a pas mieux. Et c'est pas que Platon soit meilleur que les autres, encore que. C'est juste que la façon qu'il a, comment dire, la différence entre Platon et ses successeurs est une différence qui n'est pas une différence d'une évolution sur une ligne, ce n'est pas une évolution linéaire, c'est une parfois une involution, une altération, un dialogue, une réinterprétation, une revisitation. Mais ça produit une évolution buissonnante à partir de laquelle on ne peut pas parler de progrès. C'est pour ça que à propos de laquelle, pardon, j'en perds un mot, on ne peut pas parler de progrès. Raphaël Andoven, est-ce que c'est pour ça que un philosophe qui n'aurait pas lu les œuvres du passé, les grandes œuvres du passé, comme celles que vous avez citées, ne pourrait pas être considéré comme un philosophe ? Mais pas du tout. Alors qu'un physicien peut tout à fait être un excellent physicien sans avoir lu une ligne de Galilée, de Newton et d'Einstein. Oui, j'aimerais pouvoir vous dire que c'est le cas. La vérité, c'est qu'on peut avoir la grecque sans avoir lu une seule ligne de Wittgenstein, j'en sais quelque chose. c'est l'heure des aveux. Non, ce qui est vrai, c'est que le corpus en philosophie est un corpus inlassablement vivant. Pour penser la cybernétique, on se sert de Leibniz. Pour penser le libre arbitre, on se sert de Spinoza. Pour penser le bonheur, on se sert de Lucrèce. Et ça marche, ça fonctionne. Encore une fois, on n'a pas trouvé mieux. Parce que quels que soient les éléments dont on dispose, quelles que soient les armes ou les outils qu'on ait sous la main, la façon qu'ils ont de traiter ces questions demeure pertinente. C'est le propre de la philosophie. C'est ça que l'IA peut pas comprendre. Ça va trop vite pour elle. Un truc qui stagne depuis 2500 ans et qui se déplace en chatoyant, ça va trop vite pour elle. C'est paradoxal. Oui, c'est paradoxal peut-être, mais je crois qu'il y a une célérité à l'exercice philosophique que l'IA ne peut pas reproduire, qui est la célérité de la vie, la célérité de la discussion. Par exemple, la discussion que nous avons tous les deux. Vous avez, comme toujours, bien sûr, travaillé le sujet, préparé des questions. Mais les questions que vous me posez sont elles-mêmes, dépendent aussi des réponses que je peux vous faire. On est dans une discussion, dans une conversation scientifique. C'est une discussion. Donc, ça reste une conversation, autrement dit. On ne sait pas ce qu'on va se dire. Ce qu'on va se dire est nécessaire, puisque je vais essayer de répondre à vos questions. Mais cette nécessité ne permet pas de le déduire. On pourrait, après coup, revisiter l'édifice de notre discussion et la mettre en diagramme et l'imiter à la perfection. Mais reproduire la spontanéité dont nous faisons preuve, vous et moi, aucune machine n'y parviendra jamais. Je suis d'accord, Raphaël Andoven, et en même temps j'ai envie de vous titiller encore un peu sur cette idée de progrès. Ouais. Parce que vous dites quelque part dans le livre, c'est page 26, chaque système de pensée est un système inédit. Mm-hmm. Ça veut dire qu'il y a du neuf quand même. Et à partir du moment où on dit qu'il y a du neuf, ça veut dire qu'il y a de l'innovation, il y a quelque chose qui avance. Alors, on est d'accord pour dire que ça n'est pas forcément un progrès, mais le fait que ça avance veut dire que... Bah, regardez, dites-moi ce que vous en pensez. Spinoza, dans sa correspondance, dit « Le sentiment du libre-arbitre vient de l'ignorance des causes réelles qui nous font agir. » Bon, traduction, on est plus libre quand on sait qu'on ne l'est pas que quand on croit qu'on l'est. Bien. Alors, ça prend quelle forme, ça ? Bah, chez Nietzsche, ça prend l'idée que ce qu'on appelle la conscience est le résultat, en fait, d'un rapport de force entre des pulsions antagonistes. Chez Freud, ça prend l'idée que la souveraineté du sujet sur ses propres décisions est en réalité surdéterminée par un inconscient qui le détermine beaucoup plus qu'il ne veut le penser. Chez Marx, ça prend la forme de l'idée que ce n'est pas la conscience qui détermine la vie, mais la vie qui détermine la conscience. Autant de variations sur le même thème de Spinoza, à des époques différentes, qui doivent exister à l'intuition de Spinoza, mais dont la singularité n'en fait pas un progrès l'une par rapport à l'autre. Je suis d'accord, en même temps, je n'arrive pas à concevoir cette extension des... Parce que vous êtes incurablement scientifique. Non. Vous voulez penser qu'on progresse. Non, c'est cette variation des interprétations, des réponses possibles que vous avez commencé à décliner, je n'arrive pas à la penser autrement que comme un progrès. D'autant plus que... Mais à ce compte-là, Marx serait meilleur en philo que Spinoza. Non, parce que c'est pas chronologique. Ah. C'est un déploiement qui enrichit la philosophie. Là, on peut discuter. Si le progrès n'est pas chronologique, ça va. Je ne dis pas que... Platon, à bien des égards, qu'on constitue un progrès par rapport à Nietzsche. Non, ce que j'appelle la philosophie, c'est la somme de tout ce qui est produit par les philosophes. Ouais. Donc, c'est pas une définition complètement historique. Mais il y a un déploiement qui l'enrichit, et en l'enrichissant, qui l'a fait progresser. Par exemple... D'autant que, quelque part, vous définissez ce que serait un progrès en philosophie. Oui, parce et que vous dites, ce serait le remplacement d'une certitude par un doute. En fait, ce que je dis, c'est que la philosophie comme telle ne progresse pas, au sens où le corpus de philosophie ne progresse pas, Kant ne constitue pas un progrès par rapport à Aristote. La philosophie ne progresse pas, mais on peut faire des progrès en philosophie. Ah ben d'accord. Et que les progrès que l'on fait en philosophie se mesurent notamment au remplacement d'une certitude par un doute. Ou bien à la capacité d'accueillir des questions que l'on répudiait comme de vieilles concubines avant parce qu'on les trouvait absurdes. Ou bien à la capacité de s'étonner de ce que d'autres trouveraient normal, banal ou familier. Ce sont toutes les conditions d'un progrès en philosophie, d'un progrès dans la pratique de la philosophie, dans la pratique quotidienne de la philosophie, qui est un exercice spirituel et pour lequel une pratique s'impose. Mais en revanche, dire que la philosophie progresse, là, c'est un positivisme auquel je ne peux pas adhérer. Donc, il y a des progrès en philosophie. On peut faire des progrès en philosophie, mais la philosophie ne progresse pas. Ça nous fait un terrain d'entente. Ça fait un terrain d'entente. Vous dites que c'est le remplacement d'une certitude par un doute. Oui. Et moi, j'aurais dit l'inverse. Oui, bien sûr. C'est là que l'idée de progrès n'a pas le même certitude. Sens en physique et en philosophie. Parce que non, mais par exemple, les Grecs se disputent à propos de la question de l'existence de l'atome. Donc, ils ont un doute. Enfin, en tout cas, la philosophie doute à propos de l'existence de l'atome. Et 2500 ans plus tard, on démontre que l'atome existe, qui n'est pas celui qui avait été pensé. Mais on a transformé une sorte de controverse. Ce qui est intéressant, c'est que de tout temps, atomos, l'atome désigne l'indivisible, qu'on retrouve dans la notion d'individu, et ce qui fait l'indivisible en philosophie ne peut pas relever de la matière, puisque tout ce qui est de la matière est divisible. Par conséquent, si l'on accepte que l'unité est au principe de la pluralité, et que c'est bien qu'il y a de l'indivisible au principe de la matière, c'est donc que le fondement de toute matière est lui-même immatériel. Et cette question-là demeure. C'est une problématique, c'est une ouverture possible. Il ne s'agit pas d'y adhérer forcément, mais cette question-là demeure. La question même du soubassement, du substrat immatériel de toute chose matérielle, la question de l'origine, en somme, est une question que la philosophie rend vivace. Elle offre toute une catégorie de réponses qui sont toutes merveilleuses, pertinentes et insuffisantes à leur façon. Mais c'est comme ça que travaille la philo. Bon, j'arriverai pas à vous avoir. D'ailleurs... Vous dites dans le livre que vous avez été un professionnel du bac de philo. Oui. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai passé le bac de philo pendant 30 ans. Peu de gens peuvent en dire autant. J'ai passé la première fois à 17 ans, comme tout le monde, si j'ose dire, et puis je l'ai repassé ensuite indéfiniment. C'est-à-dire que j'ai commencé par avoir mes premiers élèves, j'étais en prépa, mes premiers cours particuliers, c'était des élèves de terminale, et puis ensuite, je n'ai pas arrêté de repasser cette épreuve de la dissertation de philosophie, peut-être aussi parce que je ne l'avais pas prise le jour du bac, j'avais pris peur. Mais je n'ai pas arrêté de repasser cette épreuve, dont je pense qu'elle est indispensable, l'épreuve de la disserte, à la formation de l'esprit. Je crois que c'est une épreuve absolument fondamentale. C'était ça dont je voulais apporter la preuve quand j'ai eu le match avec ChatGPT. Vous avez eu 20, ouais. ChatGPT a eu 11. Ouais, on a été surnotés tous les deux. Mais depuis, ouais. ChatGPT a fait des progrès incroyables. Non. Enfin, peut-être, enfin, mais pas en philo. Non, mais il produit des copies. Non, je dis pas, mais de toute façon, on est d'accord que ChatGPT ne fait pas de philosophie. Bah non. Ne pense rien, n'apprend, comprendre. C'est pour ça que le match avec ChatGPT. Mais je parle pas de ChatGPT, je parle de la copie. Ouais. La copie qu'il peut rendre sur un sujet aurait sans doute aujourd'hui une meilleure note qu'à l'époque. Non, on peut parce qu'elle a progressé grâce notamment à... Non, je pense qu'elle aurait une moins bonne note. Parce qu'elle a été surnotée la première fois et qu'elle fera jamais mieux. Pourquoi? Parce que la copie de ChatGPT en termes de doctrine, de contenu, était impeccable. Il ne manquait rien ni personne. Il y avait toutes les théories du docteur. Toutes les théories du bonheur. Le sujet portait sur la question « Le bonheur est-il une affaire de raison ?» La machine a fait comme tous les mauvais élèves. Elle s'est demandé ce qu'elle savait sur la notion avant même de réfléchir sur les termes du sujet. Elle a balancé toutes les théories du bonheur qu'elle a rangées dans trois tiroirs. Le troisième aurait pu venir avant le premier. Il n'y avait aucune nécessité à ce qu'elle disait. Seulement, en mettant 11, on a récompensé l'exhaustivité d'un savoir qui ne correspondait pas à l'exercice, qui était un exercice de réflexion. Non, mais est-ce que vous pensiez qu'un jour, on pourrait mettre 11 à une machine? C'est déjà oui, pas parce mal. Que, oui, non, parce que 11, c'est vraiment une note de merde. C'est celle que vous avez eue au bac. Oui, c'est une note pourrie. Vous savez, 11, c'est l'accident dont on réchappe. C'est l'élève dont on a pitié. Celui qui dit, on se dit, allez, ça va, il a fait beaucoup d'efforts. Il a toujours pas compris l'exercice, mais il a bien appris sa leçon. C'est la note nulle, 11. Mais, encore une fois, je pense que la machine ne méritait pas la moyenne. Et qu'elle, durablement, face à un sujet, le bonheur est-il affaire de raison? Le bon élève analyse les termes du sujet. Il se demande ce que c'est que la raison, il se demande ce que c'est que le bonheur. Et ce faisant, il observe que le bonheur est un sentiment, ce qui ne correspond guère à la définition qu'il vient de donner de la raison. Et donc il y a là matière à problématique. Si le bonheur est un sentiment, comment peut-il être affaire de raison? Ce boulot-là, qui consiste à penser, c'est-à-dire à créer un atome de pensée, à faire saillir ce qui fait problème dans l'énoncé d'un sujet, ce boulot-là, la machine n'y parvient pas. La machine ne le comprend pas. La machine n'en voit pas la nécessité. Et donc, la machine fait un plan dont les trois parties sont dans un ordre indifférent, conclut que le bonheur peut être affaire de raison, mais pas seulement, et elle n'a rien dit, rien produit, rien proposé. Elle est nulle. Elle est nulle, on est d'accord, mais vous dites... En gavant ChatGPT comme une oie, on lui apprend à peser, pas à penser. Oui. Jolie formule. Mais est-ce qu'on pourrait pas aussi dire qu'elle va peser sur nos façons de penser? Ah, si. Autrement dit, si les élèves qui ont des devoirs à faire à la maison utilisent Non, mais c'est fini les devoirs à la maison, Étienne. Oui, mais c'est terminé. Il faut faire bosser les élèves sur table avec un vieux stylo et une feuille de papier. C'est terminé. Il n'y a plus de devoirs à la maison. Il faut arrêter avec cette histoire. Le mythe du devoir à la maison, c'est... Ça n'empêche pas qu'ils vont s'entraîner à la maison. Oui, mais ils vont s'entraîner, mais mal. Et qu'à force de lire des textes produits par cette machine, ça va changer leur façon de rédiger. Je suis pas sûr de ça. Honnêtement, si tous les élèves rédigeaient aussi bien que ChatGPT, c'est-à-dire avec aussi peu de fautes d'orthographe, c'est-à-dire pas, et dans des termes apparemment choisis, ce serait tout à fait merveilleux. Du coup, pour cela, sur ce coup, je ne vois que des bénéfices à l'abus de l'IA. Non. En revanche, ce qu'une IA est incapable de transmettre, c'est la façon de réfléchir, c'est le fait qu'on réfléchisse, c'est l'art de réfléchir, c'est l'intransmissible méthode qui vient du dialogue avec un professeur. Et c'est pour ça qu'il faut faire plancher les élèves sur table. C'est le retour du crayon. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire alors que dans l'expression intelligence artificielle, le mot intelligence, c'est le sens anglais du terme, c'est-à-dire la gestion des données, le traitement de l'information, alors que le sens français du terme, c'est l'esprit critique, et la capacité à créer des concepts, à argumenter, à distinguer le vrai du faux, ce que les machines ne savent pas faire. Et la bonne intelligence. Et l'empathie. Et l'empathie, c'est plutôt en ce sens-là. Le titre est soit une banalité, soit parce que d'une certaine manière, toute intelligence est artificielle, elle nous met à distance du monde par les moyens qu'on se donne de le connaître, dit Bergson. C'est le grand handicap de l'intelligence. Elle nous éloigne des choses en nous permettant d'avoir la main sur elles. Et puis, donc en ce sens-là, toute intelligence est artificielle et le titre est un pléonasme. Mais si l'intelligence est un synonyme de la complicité, ce qu'on retrouve dans l'expression « être en bonne intelligence », alors le titre est un oxymore. Et parce que c'était indécidable, ben ça a fait le titre. Alors Raphaël Antorel, moi je suis d'accord avec vous complètement pour dire que l'empathie et tous les comportements d'ordre affectif ou émotionnel demeurent l'apanage irréductible de notre humanité. Ou de l'animalité aussi. Mais il y a seulement une ou deux décennies, on disait exactement la même chose de la traduction littéraire ou de la conduite des véhicules. Et là, la technique s'est comportée comme un lapin que l'humanité est incapable de rattraper. Oh, on le disait pas dans le même sens. On ne le disait pas de la même manière. Ça n'est pas la même chose d'avoir une voiture autonome ou bien d'être sensible aux douleurs qui nous sont épargnées. C'est pas la même chose de tendre la main à quelqu'un qui en a besoin, soit parce que ça nous donne bonne conscience, soit parce que sincèrement, la détresse de cette personne nous touche et qu'on voudrait lui donner ce qu'on a, etc., etc. Ça n'est pas le même geste de faire ça ou bien de concevoir une voiture autonome. Le geste de souffrir des douleurs qui nous sont épargnées, ce que Romain Gary appelle le sommeil du juste, c'est-à-dire l'insomnie du juste. Le geste de se sentir responsable des malheurs qu'on imagine. Cela n'a rien à voir avec la conquête du deep learning ou avec des mécanismes autonomes ou avec des voitures qui se conduisent toutes seules. Et les voitures qui se conduisent toutes seules ne changent rien à la question de la responsabilité du conducteur qui, en toutes circonstances, ne peut pas déléguer le volant à la voiture en question. Autrement dit, on reste dans des problématiques humaines. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait un jour donner le prix Nobel à une machine? Par exemple, dès aujourd'hui, des algorithmes sont capables de donner des pistes pour fabriquer des nouvelles molécules que les chimistes professionnels n'avaient pas imaginées. Donc la machine peut faire... Évidemment, elle ne mérite pas le prix Nobel, mais elle peut produire un résultat qui pourrait être récompensé par le prix Nobel. Ou disons plus, et même par le prix Turing, qui est le prix qui est réservé à ceux qui travaillent dans le domaine du numérique ou de l'informatique. Je voudrais vous retourner une question, Étienne. Est-ce que vous connaissez, bien sûr, les conditions de découverte de la pénicilline ? Sérendipité. Par sérendipité. Alexander Fleming, c'est son nom, abandonne son labo, le retrouve un peu crade au bout de 15 jours, et au lieu de nettoyer, il fait des prélèvements et il met la main sur la pénicilline. C'est-à-dire que la pénicilline est née d'un hasard, un labo qu'on laisse en bordel le temps de ses congés, d'un hasard et d'une vigilance extrême au phénomène qui nous entoure, qui fait qu'il a su saisir le trésor en gestation. On peut dire la même chose de Becquerel avec la radioactivité et de beaucoup d'autres découvertes. Mais il y a des découvertes qui ne procèdent pas de ce mécanisme. Bien sûr, bien sûr. Mais ce que je veux dire, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui fait un progrès scientifique, c'est la rencontre d'une préoccupation ou d'une vigilance et d'un hasard. Ce qui fait une découverte, c'est cela. Alors, peut-être que je me trompe, en fait. Peut-être que dans le domaine scientifique, c'est cuit. Peut-être qu'il n'y a plus besoin de cerveau et qu'en définitive, la machine peut se substituer définitivement à nous. Honnêtement, je n'ai pas travaillé sur les disciplines qui progressent. Le monde, l'univers des disciplines qui progressent et qui font appel à une célérité accrue du cerveau est un monde sur lequel je n'ai pas bossé, j'ai bossé en philosophie. C'est-à-dire, j'ai bossé dans un monde où, qui repose sur les sentiments, sur les émotions, qui pratique le doute et qui recherche l'indécision. Alors, j'ai lu un article qui concerne votre livre, dans lequel... discute des gens qui travaillent sur l'IA, comme Yann Lequin, que vous avez cité, Stanislas Dehaene, qui fait des neurosciences, et qui disent, par exemple, que bientôt, il pourrait y avoir des philosophes artificiels, c'est-à-dire des machines qui produisent un discours qu'un autre philosophe pourrait considérer comme étant produit par un vrai philosophe. Oui, mais c'est, d'une certaine manière, c'est déjà le cas. Il y a des pensées tellement consensuelles aujourd'hui qu'on pourrait les pisser à la copie et qu'une intelligence artificielle pourrait sans peine les reproduire. Ce sont souvent des livres qui marchent d'ailleurs, donc je ne donnerai pas de nom. Mais enfin, d'une certaine manière, il y a des choses tellement consensuelles, mais pas seulement en philosophie, surtout en développement personnel. Il y a des trucs que vraiment, auxquels vraiment les machines vont pouvoir se substituer. Je ne suis pas sûr que ce soit une perte. Je ne suis pas sûr que ce soit un problème, ça. Ce qui est de... On peut, encore une fois, la phrase de Jean Kelevitch, un créateur ne fait jamais ce que ses imitateurs feraient à sa place. On peut reproduire à l'infini un raisonnement déjà produit, mais créer une norme, doter l'humanité d'une norme nouvelle, il faut la rencontre d'une bizarrerie humaine et d'une existence qui le mérite pour parvenir à ce genre d'étincelle. Et puis un corps. Il faut un corps. Il faut un corps, il faut avoir peur de mourir, il faut avoir mal, il faut écrire tant qu'on peut, il faut écrire dans la mesure de ses moyens, il faut être limité par les moyens qu'on a, et il faut en faire une richesse, il faut savoir faire tout ça avant de produire quelque chose qui survive à celui qui lui a donné le jour, dans le meilleur des cas. On est sur des problématiques que l'IA ne peut pas appréhender, sur des questions que l'IA ne peut pas appréhender. Encore une fois, l'idée que les Yann Lequin ou Stanislas de disent toujours que c'est bientôt. C'est bientôt que la machine pourra penser, c'est bientôt que la machine pourra réfléchir, c'est demain, c'est toujours demain. Sublime demain. Le propre de demain, c'est qu'il n'existe pas. C'est comme l'avenir. J'attends de voir. Pour l'instant, je n'ai rien vu. Et surtout, je ne vois rien venir parce que je ne vois pas la machine prendre le chemin de la pensée. Il y a quelques semaines, Raphaël Antoine, nous recevions à ce même micro François Julien, ouais. Qui n'aime pas le numérique, hein, en tout cas qui n'aime pas ce que le numérique fait à la pensée et à ce qu'il appelle la vie de l'esprit. Et il a trouvé une source d'espoir dans la comparaison suivante. Au 19e siècle, on invente la photographie, qui est une concurrence technique qui s'adresse aux peintres, aux artistes peintres. Ils ont là un adversaire qui peut les dépasser. Et pour... ne pas être justement dépassés, ils inventent l'art abstrait. Et ils se posent la question de savoir si les progrès de la technique, ce dont on vient d'évoquer, ne vont pas nous obliger à ressusciter ou à réactiver ce qu'il appelle la vie de l'esprit. Est-ce que vous pensez que l'IA va nous obliger à penser toujours mieux ou autrement que les machines pour garder notre singularité? C'est dans le pour rester sur la question de l'art, le fameux tableau de Géricault, le Derby d'Epsom, représente des chevaux lancés à pleine vitesse, dont les jambes arrière et les jambes avant sont tendues au même moment. Or, à l'époque, et aujourd'hui, nous savons bien aujourd'hui que on peut décomposer en 1 milliard de clichés le galop d'un cheval, on n'obtiendra jamais une telle position des jambes du cheval. Jamais. Donc Géricault a délibérément représenté quelque chose qui n'existe pas, quand il a représenté les jambes arrière et les jambes avant tendues. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il représentait le mouvement lui-même. Parce qu'avec les outils de la fixité, il représentait le mouvement du cheval. Donc c'est au nom d'une représentation plus fine de la réalité qu'il a trahi la représentation même du réel qu'il avait. C'est en cela qu'un artiste peut, avec les outils de la fixité, représenter un mouvement perpétuel, représenter un mouvement permanent, conquérir le mouvement permanent. Il y a en cela quelque chose, là aussi, quelque chose d'une singularité qui ne peut pas faire l'objet de la synthèse, ni même de la compréhension par la machine. Le génie, cette disposition innée de l'esprit, dit Kant, par le truchement de laquelle la nature donne ses règles à l'art, le génie n'est pas l'objet d'une computation. Le fait qu'on puisse en reproduire après coup les œuvres signifie juste qu'on est capable de, comment dire, de jouer avec des cendres, mais en aucun cas de fabriquer du feu. Est-ce que l'IA va, selon vous, démuscler nos cerveaux? Autrement dit, est-ce que la part, même des décisions que nous prenons, va être de plus en plus déléguée à des machines? À votre avis, est-ce qu'il y a des questions dont on doit absolument garantir qu'elles ne seront pas déléguées à des machines? Oh, ça, c'est certain, c'est pas difficile. Mais lesquelles? Tout ce qui relève de la science humaine. On ne peut pas demander à une machine d'être psychothérapeute. On ne peut pas lui demander d'être juge. Voilà, il paraît qu'on peut lui demander d'être avocat. Tout ce qui relève de la science humaine n'est pas substituable. ce qui fait de nous des humains n'est pas substituable. Prenons le cas d'un médecin, par exemple. C'est l'exemple qui me vient quand je... Pourquoi la médecine ? Parce que la médecine est de toutes les sciences, celle qui ressemble le plus à un art, ou bien de tous les arts, celui qui ressemble le plus à une science. On a vraiment le cul entre deux chaises avec la médecine, avec l'art médical. Le médecin, aujourd'hui, en 2024, est doté de moyens considérables, de moyens prédictifs considérables grâce à l'IA. Mais les moyens prédictifs considérables dont il dispose n'épuisent pas la responsabilité qui est la sienne dans la décision thérapeutique qu'il prend, et n'épuise pas non plus la singularité du dialogue qu'il noue avec un malade, dont la maladie, car, comme dit le philosophe Georges Canguilhem, il n'est de maladie que l'expérience vécue par le malade. Et cela demeure. Cela demeure et cela n'est pas menacé. Et quand je parle de l'irréductibilité de la philo à l'IA, en fait, je déborde ensuite pour pointer au-delà de cette irréductibilité tout ce dont une telle irréductibilité est le nom, c'est-à-dire tout ce qui, dans nos comportements, dans nos existences, déjoue leur mise en chiffres. Ça va de l'amour à la prescription. Raphaël Antonin, on a cité tout à l'heure Günther Anders. Il a dit aussi cette phrase, enfin, il l'a écrite, on n'évalue pas une idéologie aux réponses qu'elle apporte, mais aux questions qu'elle évacue, ouais. Qu'elle laisse de côté. À votre avis, quelles sont les questions que les idéologues de l'IA, disons, appelons-les comme ça, laissent de côté? Ah. Bah, la question de la singularité humaine. Mais qu'est-ce qui nous garantit qu'on n'est pas au moment fait des machines, en fait? Mais tout simplement parce que ça n'est pas notre complexité qui nous en sépare. Si nous étions simplement plus complexes que les machines, si nos cerveaux étaient juste des machineries plus complexes, si en somme, il n'y avait qu'une différence de nombre entre l'art divin, celui qui fait nos corps, et l'art humain. Si en somme, la différence tenait juste au fait que la nature produit des machines qui sont machines à l'infini, alors que les machines humaines, ne sont machines que dans une certaine mesure jusqu'à leurs éléments premiers. Si la différence c'était celle-là, si en somme Dieu n'était qu'un artisan plus fort que nous, ce serait magnifique d'une certaine manière. On pourrait penser que, en droit, un savoir absolu nous donnera les mêmes capacités que lui. Or c'est pas ça. C'est pas ça qui fait la vie. Ce qui fait que nous sommes vivants n'est pas l'accrétion de la matière. C'est autre chose. C'est autre chose qui ne peut pas faire l'objet d'une synthèse. Ce qui fait que nous pensons, ça n'est pas notre complexité, c'est notre simplicité. Ou c'est notre peur. Le jour où on me présente un robot qui a peur, ou un robot hypocrite, un robot sournois, un robot malin, je change d'avis. Mais ils pourront mimer ça. Ils pourront mimer la peur. Le fait qu'ils le miment n'y change rien. Le fait qu'ils le miment n'y change rien. On peut tous mimer ça. Qu'un robot mime à merveille l'hypocrisie, ça ne m'impressionne pas du tout. Non, qu'un robot de lui-même, me dise quelque chose qu'il ne pense pas. Voilà. Il pense rien. C'est précisément la raison pour laquelle on n'est pas prêt de fabriquer un robot hypocrite. Ou de mauvaise foi. On est d'accord, mais quelle est votre réaction en tant que philosophe, oui. Raphaël Antonin, parce que ChatGPT a des performances qui ont surpris ceux qui l'ont fabriqué, grâce à ces fameux transformeurs qui ont des pouvoirs qui ont été jugés surprenants. Quand on augmente le nombre de paramètres, tout d'un coup, la machine se met à produire des phrases sans faute d'orthographe, en respectant la syntaxe, la grammaire, des phrases qui ont du sens pour nous, même si les phrases n'ont pas de sens pour elles. C'est quand même impressionnant, parce que ça, c'est pas quelque chose qui était garanti à l'avance et qui impressionne. Que des machines puissent, qui sont assez sémantiques, puissent produire des phrases qui ont du sens pour nous, en travaillant même pas sur les mots qui servent à les éduquer, mais sur ce qu'on appelle des tokens, qui sont des petits paquets de syllabes, et en regardant des corrélations entre ces différents paquets qu'elles étudient dans les données qu'on leur donne à manger pour apprendre, en fait, c'est quand même impressionnant. C'est prodigieux. C'est prodigieux. C'est une machine qui peut faire la sommation de tout le savoir disponible sur le sujet de notre choix. La synthèse et la sommation de tout ce savoir en quelques secondes et le mettre à notre disposition, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Mais si on lui demande de répondre à une question, la réponse qu'elle apportera sera plate comme un trottoir de rue. Si on lui demande de répondre à une question, si on lui demande de trouver un problème, par exemple, de fabriquer une problématique, elle n'y parviendra pas. Elle n'y arrivera pas parce qu'elle n'en verra pas l'idée. Elle n'en verra pas le fonctionnement. Est-ce que vous vous êtes intéressé par le fait que les machines de plus en plus parlent ? Oui. Est-ce que ça change le statut de la parole ? Est-ce qu'elles ne tiennent pas la place qu'occupaient autrefois les démons, les anges, les oracles ? Mais est-ce que nous n'allons pas parler comme elles ? C'est-à-dire, est-ce que nous n'allons pas nous-mêmes robotiser nos façons de parler par des éléments de langage dont on voit qui contamine la vie des entreprises, politique. C'est un risque objectif. Ça, c'est un des éléments de l'apocalypse cognitive que diagnostique Gérald Bronner. C'est un risque objectif, oui, ça c'est sûr. Le fait de ne parler que le globish et de n'avoir que des éléments de langage à disposition, de baragouiner le franglais, ou bien de penser uniquement par idées reçues, par préjugés. D'automatiser nos réponses, de moutonniser nos comportements, nos attitudes, de manifester, de brailler avec des milliers de gens un slogan unique. Tout cela est vieux comme le monde. C'est vieux comme le monde et ça n'a pas attendu l'IA pour exister. C'est vrai qu'avec l'IA, nous avons des moyens considérables maintenant de le faire et de nous livrer sans vergogne à cet asservissement. Donc, que nous soyons nous-mêmes machinisable, si j'ose dire, c'est une certitude. Que la machine puisse être humanisée, c'est une impossibilité. Et c'est cette impossibilité qui est importante. Parce que, encore une fois, ce qui sépare la machine de l'humanité n'est pas de l'ordre d'une complexité accrue. Ce qui sépare la machine de l'humanité est de l'ordre de la peur, de l'ordre des désarrois, de l'ordre des émotions humaines, de l'ordre de tout ce qui, dans la vie, ne peut pas faire l'objet d'une quantité. Alors imaginons que vous redeveniez prof de philosophie, oui. Classe de terminale. Mm-hmm. Vous devez faire cours devant des élèves qui eux fréquentent, utilisent l'IA évidemment depuis qu'ils sont nés quasiment. Mm. Est-ce que ça changerait votre façon d'enseigner ? Non, en aucune manière. Par exemple. Si j'ai des élèves de seconde, j'adore filer des cours à des élèves de seconde. Si j'ai des élèves de seconde et que je dois leur parler de justice, eh ben je leur demanderai que feriez-vous si vous aviez un anneau qui vous rend invisible ? Que feriez-vous si vous étiez en toute impunité ? Et j'essaierai d'imaginer avec eux tous les comportements qu'ils auraient si d'autres ne pouvaient pas les voir. Si j'ai des élèves de terminale à qui je dois parler de justice, je leur lirai le texte de Platon qui raconte l'histoire de Gigès, le pêcheur Gigès, qui trouve un anneau qui le rend invisible, etc., etc., etc., etc. C'est-à-dire que je commencerai par la lettre du texte lui-même. Et si j'ai des élèves à la fac, je commencerai par la notion de justice, la notion d'injustice, c'est-à-dire plus abstraitement dans l'entrée en matière. En aucune façon, l'IA ne dicte le cours, en aucune façon, l'IA ne dicte l'introduction. La captation de bienveillance par laquelle on attire l'attention de l'élève, c'est pas l'IA qui nous la trouve. Surtout, quand vous faites cours, vous improvisez, bien souvent, comme quand on répond à des questions. J'ai pas toujours connu ça. Moi, oui. Vous faites cours, vous improvisez, vous en êtes venu improviser parce que mais vous découvrez que l'improvisation est une expérience de la nécessité. C'est-à-dire que quand on improvise, on n'a pas le choix. On parle sous la dictée de nos intuitions. On n'a pas le choix. L'improvisation est une expérience de la nécessité qui pourtant n'a aucun but. C'est ce que l'IA ne. Mais dans ce que vous venez de dire, il y a un point qui me paraît fondamental, c'est que l'IA est incapable de faire ce qu'on appelle des expériences de pensée, de poser des questions contrefactuelles du genre « qu'est-ce qui se passerait si ?» Et donc elle n'a pas de capacité à être critique vis-à-vis d'elle-même. Alors je ne sais pas, parce qu'on peut trouver des tas d'exemples de gens qui disent « ChatGPT parle de toi-même, dis-nous si tu es humaine ou intelligente, etc. etc. » où il fait des réponses sensées, il dit « bah non, je ne suis pas intelligent, je pense, donc je ne suis pas, si vous voulez. » En aucune manière, il ne pense pour autant. Mais enfin... le fait qu'on trouve des réponses sensées ne signifie pas que ces réponses soient venues à une conscience qui a été interpellée par la question qu'on lui a posée. Ça signifie juste que la machine est allée chercher les réponses adéquates dans le corpus infini des textes dont elle dispose. Raphaël Antoven, est-ce que vous savez ce qu'est un éclair volcanique ? Oh, l'anagramme. Non. Non ? Non, c'est pour annoncer la chronique d'Alexandra Delbotte qui s'appelle Avec Science et qui va nous parler de ce phénomène étrange. Comment des éclairs volcaniques ont pu participer au développement de la vie. Quand on parle de vie, on parle souvent d'eau et d'oxygène. Sans oxygène, pas de photosynthèse, pas de respiration. Pourtant, l'azote est aussi essentiel. Sans azote, pas de vie non plus. Cet élément chimique rentre notamment dans la composition de l'ADN, de l'ARN, des acides aminés. En chimie, les groupements amines sont des molécules avec de l'azote. Et de l'azote, en fait, il y en a partout autour de vous, sous forme de diazote, deux atomes d'azote. C'est le composant majoritaire de l'atmosphère, mais ce n'est pas celui que nous ingurgitons, parce que le problème de l'azote, c'est sa forme. Pour être assimilable, l'azote doit être sous une certaine forme moléculaire, et c'est pour ça que pour nous, il passe par la nourriture. Mais avant la nourriture, avant les animaux, avant les plantes, au tout début de la vie sur notre Terre primitive, il y a plusieurs milliards d'années, comment l'azote de l'atmosphère s'est-il transformé en molécules assimilables? Comment cet azote a-t-il été fixé? C'est le terme alloué et c'est là qu'interviennent les éclairs. Erwan Martin est maître de conférence à l'Institut des sciences de la Terre de Paris et auteur principal de cette étude parue dans PNAS. Les deux atomes d'azote sont très fortement liés dans les molécules de diazote et donc il faut une énergie considérable pour casser cette molécule de diazote. Et donc, depuis longtemps, a été proposé le fait que des éclairs, et en l'occurrence des éclairs volcaniques, pouvaient fixer de l'azote. C'est pas une idée qui est forcément toute nouvelle. Il y a une expérience dans les années 50 où des chimistes ont essayé de recomposer l'atmosphère dans un ballon au laboratoire. Et ils ont mis des décharges électriques dans ce mélange gazeux, simulé l'atmosphère, et ils ont réalisé que grâce à ça, ils généraient des molécules organiques. Donc voilà, quand on a une éruption volcanique explosive, il y a un panache de cendres et de gaz qui est émis dans l'atmosphère. Et dans cette physique de panache, on génère systématiquement des éclairs. Et donc, théoriquement, ils ont essayé de prédire, voilà, telle énergie est émise par tel éclair, on peut fixer tant d'azote, etc., etc. C'était que des propositions, des suggestions, disons, basées sur des travaux expérimentaux et théoriques. Mais jamais n'avait été trouvé, disons, un échantillon naturel ou une archive de ce processus-là. Ce qu'il nous faut trouver, c'est la trace de l'azote de l'atmosphère dans les archives volcaniques. Pour ça, on regarde généralement les isotopes des atomes, c'est-à-dire qu'on étudie les différentes versions d'un même atome. L'oxygène, par exemple, en a 3, oxygène 16, 17 et 18. Et impossible, évidemment, de remonter aux premières éruptions de la Terre, il y a plusieurs milliards d'années. Donc, ces scientifiques ont cherché les traces de ces éclairs volcaniques briseurs de diazote dans des dépôts relativement récents, dans les 20 derniers millions d'années. Et oui, c'est assez récent à l'échelle des temps géologiques. Et il y a une petite particularité à cette étude, le hasard, comme souvent en recherche. L'azote n'était pas l'objectif de départ des auteurs et autrices. En étudiant les affleurements d'anciennes éruptions au Pérou et en Turquie, ces scientifiques se penchaient plutôt sur une autre molécule, le sulfate. Mais l'azote a été pris dans leur filet. Résultat, la pêche s'est avérée fructueuse. L'azote des dépôts volcaniques vient bien de l'atmosphère. En mesurant la composition de ces nitrates de composition isotopique, on s'est rendu compte que ces nitrates avaient une origine atmosphérique. Nitrate, c'est NO3, donc il y a de l'azote, un atome d'azote et 3 atomes d'oxygène. Et quand on regarde les rapports isotopiques de l'oxygène, l'oxygène a 3 isotopes, on voit qu'ils ont une signature tout à fait particulière qui est typique de la signature de la molécule d'ozone. Donc, ce qui veut dire que l'ozone a contribué à la formation de ces nitrates-là. Et l'ozone est dans l'atmosphère. Donc, on a des nitrates qui sont d'origine atmosphérique. Et on sait aussi que nos nitrates sont corrélés au sulfate et à d'autres éléments qui sont typiques de l'éruption volcanique. Donc pour faire le lien entre ces deux choses qui paraissent un peu pas trop aller ensemble, la seule option qu'on ait, c'est qu'il y ait des éclairs au moment de l'éruption qui permettent de casser ces molécules de N2. Ensuite, les atomes d'azote sont oxydés par l'ozone en particulier pour former nos nitrates qui se retrouvent après dans nos dépôts volcaniques. C'est la première preuve géologique de ce lien entre éclairs volcaniques et fixation de l'azote atmosphérique. Et ce phénomène relativement récent peut se transposer à la Terre primitive, à ceci près qu'il n'y avait pas d'ozone dans l'atmosphère à ce moment-là. Donc le processus que l'on vient de décrire pourrait être un petit peu différent, avec de l'azote sous une autre forme assimilable par les premiers organismes qu'ait connu notre planète. La prochaine étape, c'est d'aller étudier des éruptions historiques de plus faible ampleur que celles considérées dans cette étude, et plus fraîches comme celle du mont Saint-Hélène en 1980 ou du Pinatubo en 91 pour affiner cette signature chimique de l'azote. Merci Alexandra Delbo et merci à vous Raphaël Antoven. Je recommande merci la lecture de votre livre « L'esprit artificiel » qui vient de sortir aux éditions de l'Observatoire. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein. avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Florent Bujon et à la réalisation Luc-Jean Reynaud.